Les merveilles du Mont Saint-Michel de Paul Féval, enregistré par Christiane Johan. Préface. J'appartiens à Saint-Michel. Je suis né le 29 septembre, jour de la fête de Saint-Michel, et ma pieuse mère avait voué mon berceau au chef des milices célestes, vainqueur immortel du mal. Je veux essayer d'écrire l'histoire de sa maison merveilleuse où habite le dessein de Dieu. Quis ut Deus? Qui est comme Dieu? Ô petits que nous sommes! Ô misérable folie de ceux qui donnent leur éternité pour se croire grands pendant un jour! Saint-Michel ne m'a point parlé, mais j'ai considéré le symbole de son épée d'enfant et de son bouclier qui semble un jouet, et j'ai dit en moi-même, toute force est à Dieu. Qu'importe la pauvreté de ma plume? N'est-il pas ordonné à chacun, si faible qu'il se juge, de travailler en vue de la gloire du Seigneur Jésus, c'est-à-dire au bien des hommes, rachetés par la croix. Nous vivons à une époque qui, en dépit même des brutales victoires de l'incrédulité, semble deviner déjà, sinon comprendre encore tout à fait, que le soulagement à ces maux trop mérités, le remède à cette erreur sans cesse grandissante, le secours à ces défaillances morales, se trouve en dehors et au-dessus des efforts purement humains dont l'impuissance politique et surtout sociale épouvante les clairvoyants et plonge les aveugles dans le délire de leur extravagant triomphe. Mon œuvre pourra être insuffisante, mais elle ira vers un but que de plus robustes atteindront. Il me plaît de marcher, ne fût-ce qu'un pas, dans le sentier au bout duquel est la suprême espérance. Un jour, j'ai balbutié, moi, indigne, le sublime cantique du Sacré-Cœur qui est Jésus, expiation, rachat, réparation et protection, arrêtant son vol au sommet de la France, sommet de la terre. Maintenant, je veux répéter le premier cri qui fut entendu dans le ciel. Avec candeur et défiance absolue de moi-même, mais appuyé sur la certitude de ma foi, je veux soulever l'épée de l'ange et faire luire au soleil d'espérance le mystique bouclier dont le rayon terrasse la bête infernale depuis le commencement et la terrassera jusqu'à la fin des jours. Saint-Michel, étendard de ma patrie royale, premier fidèle, adorateur élevé au-dessus de tous les anges et de tous les hommes qui adorent, glaive entouré d'éclairs, dévotion, force, lumière, ô prince des esprits du ciel, soyez avec moi. Priez pour moi. J'ai travaillé tant que j'ai pu. J'ai lu tout ce qui se peut lire. Je connais chaque pierre de la basilique admirable et j'ai passé des instants trop courts en ce lieu d'une beauté sans rivale, au milieu de savantes bienveillances et de pieuses amitiés. Je compte ces jours parmi les meilleurs de ma vie. Il est des hommes qui ne veulent pas être loués. Le respect et aussi l'affection me ferment la bouche. Un seul éloge m'est permis, le voici, les P.P., missionnaires de l'abbaye. Par leur effort intelligent et dévoué, ont accompli une grande œuvre en relevant un grand culte. Ils ne cherchent pas d'autre gloire. Ils ont rappelé la religion dans le sanctuaire de Saint-Michel, d'où ils ont chassé la solitude et l'oubli. Peu de temps avant mon arrivée, un pèlerinage avait eu lieu, où 10 000 fidèles chantaient le cantique du Sacré-Cœur sur la grève autour des murailles. Peu de temps après mon départ, la fête du 29 septembre assemblait un nombre double de fervents. Saint-Michel est toujours le patron des Français qui croient, qui espèrent, qui aiment. Et Dieu soit loué, nous sommes beaucoup comme cela. Nous ne faisons pas de bruit, c'est vrai, nous n'avons ni chant de révolte, ni clameur de haine. Mais parce que nous ne crions point, nous ne sommes pas morts. Et si, au plein milieu de ce siècle vantard de liberté, de tolérance, de fraternité, vantard de tout ce qui lui manque à un degré navrant, la persécution stupide osait menacer de son talon la tête et le cœur des gens de foi, on verrait combien de millions de vivants se masseraient debout autour de la croix invincible. Quant au livre lui-même, le titre en indique le plan. On dira tout, origine, légende, histoire, les prodiges de l'effort humain, les miracles de la clémence de Dieu et la lutte, obstacles inouïs, sans cesse renaissants, toujours aplanis, entreprises invraisemblables, constructions impossibles, achevés en chef-d'œuvre et comme par féerie, ruine constante, constante résurrection de ces palais suspendus, défis jetés à la foudre, 20 fois foudroyés en effet, 20 fois relevés plus audacieux, duel de toutes les heures, invisible mais acharné entre Michel et Lucifer, et les hommes, saints, politiques, capitaines, abbés obéis comme des rois, entourés de la vénération des rois, poètes, historiens, architectes, prodiguant à l'envi des magnificences, aussitôt broyés en poussière mais rejaillissant en splendeur. Bataille, blocus, assaut, incendie, famine, martyr, triomphe, épopées, innombrables épopées. Et par-dessus toutes ces choses, l'archange, le prince d'Israël et de la synagogue, devenu le gardien de l'Église de la France, veillant sur nous au long des siècles, depuis le premier Louis, époux de Sainte Clotilde, jusqu'à Saint-Louis et jusqu'à Louis le Grand, nous soulevant sur la puissance de ses ailes et nous prêtant ce superbe essor de foi, de vaillance, de génie qui nous fit planer au-dessus de toutes les nations. Mon plan est de rassembler dans mes bras cette gerbe de merveilles pour en fleurir l'autel de l'ange de la patrie. Introduction. Saint-Michel, les anges, le combat dans le ciel. Le paradis terrestre. Mission de Michel, gardien de la synagogue. Les mythologies. Le Christ. Mission de Michel, défenseur de l'Église. Le Labarum, le mont Gargan. 1. Il n'y a pas de date dans l'éternité et le temps n'était pas encore. Dieu seul emplissait l'infini, Dieu voulut créer. Se connaissant dans son Verbe, s'aimant dans son esprit, il le trouva juste de donner la vie à des êtres capables d'adorer sa très sainte Trinité. Ce jour-là, car les mots de la langue s'imposent à nous, ce jour-là, dans le silence qui n'avait pas encore été rompu, un cœur retentit, disant le premier cantique « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». L'innombrable multitude des anges jaillissait du néant, essaim de virginités heureuses, peuple innombrable d'éclats et d'éclairs sonores qui se fondaient en d'indicibles harmonies. Milton a vu cela du fond de la nuit où son regard aveugle était noyé. Entreprise charmante et insensée, Milton a décrit une de ces vivantes fleurs du ciel. Il portait, l'ange, 6 ailes pour ombrager le dessin de ses divins contours. La paire qui revêtait ses larges épaules venait sur sa poitrine comme un manteau de roi. La paire du milieu entourait sa ceinture en écharpe étoilée, duvet d'or, trempée dans le céleste azur. Et la troisième paire, protégeant ses pieds, attachait à chacun de ses talons un tissu de plumes dont le bleu luttait avec la pureté du firmament. Quand la Bible, source profonde de poésie, décrit les choses invisibles, l'esprit n'est pas frappé de la même manière, c'est grand jusqu'à inspirer la terreur. Le prophète Daniel et Jean à Patmos ont vu tous les deux autrement. Le mystère reste entier sous leurs paroles. Daniel dit « Je regardais en attendant que les trônes fussent placés, et l'Ancien des Jours s'assit. Il avait son vêtement blanc comme neige, les cheveux de sa tête comme une laine sans tache. Des flammes de feu formaient son trône, dont les roues étaient un feu embrasé. Un fleuve de feu et rapide sortait de sa face. 1000 milliers d'anges le servaient, et 10 milliers de centaines de mille assistaient devant lui. « J'ai vu, dit Jean à son tour, et j'ai entendu la voix d'anges nombreux autour du trône, et des animaux, et des vieillards, et 1000 milliers était leur nombre. Le feu, le nombre, il semble que ceux dont la faculté d'élever leurs esprits et de les rapprocher vers Dieu a dépassé toute puissance humaine, ont reculé néanmoins devant une peinture interdite à l'homme. Leur regard a été brûlé par la fournaise de gloire. Ils n'ont vu que l'entour, un cadre immense de serviteurs incorporels, tout un peuple, sans peuple, ils n'ont pas essayé de peindre ce qui épouvante la parole, ce qui incendie la pensée. L'opinion la plus suivie parmi les auteurs sacrés est que les anges ont existé avant le monde visible, ou que du moins la création des anges fut la première œuvre du premier jour, du principe, comme il est dit au verset 1 de la Genèse. En tout cas, ils sont les premiers-nés de Jéhovah entre les créatures. Ce sont, suivant la définition acceptée théologiquement, des êtres incorporels, dès lors incorruptibles, invisibles, spirituels, avec une intelligence et une volonté propres. Leur nom d'ange vient du grec « envoyé, messager » et marque leur office plutôt qu'il ne constitue une indication de leur nature. Saint Anselme a écrit « Les anges sont les vivantes étoiles du firmament supérieur, les lys du ciel intérieur, les roses qui poussent dans la fontaine de Siloé dont les eaux s'épanchent en silence. » Quant à leur ministère, le psalmiste l'a chanté en 4 versets sublimes. « La terre s'est ébranlée et elle a tremblé. Les fondements des montagnes se sont troublés et agités parce que le Seigneur était plein de courroux contre ses ennemis. La fumée de sa colère est montée et le feu est sorti impétueux de sa face. Les charbons se sont embrasés à cette flamme. Il a incliné les cieux, il est descendu, et les ténèbres étaient sous ses pieds. Il s'est élancé au-dessus des chérubins, et il a volé sur les ailes des vents. Qui sont les ailes des anges? Car David dit encore, « Vous faites des vents de vos anges et de vos ministres un feu qui brûle. » Et l'apôtre saint Paul répète, il fait de ses anges le souffle du vent et de ses ministres la flamme du feu. 2. Ces phalanges immatérielles, tirées du néant pour adorer le Très-Haut dans son ciel, le servir et laisser couler de leurs lèvres le cantique inépuisable, étaient destinées à la béatitude sans fin. Mais elles avaient reçu ce don de terrible et beau qui devait être concédé aussi plus tard aux adorateurs de Dieu sur la terre, aux créatures formées d'une âme et d'un corps, aux hommes. Les anges, avant les hommes, eurent la liberté qui seule permet l'épreuve, mesure du mérite et du démérite, et en dehors de laquelle ne peut se concevoir ni équitable châtiment, ni juste récompense. Les anges furent libres pour être éprouvés, et c'est dans l'épreuve même que l'Éternel va choisir le chef glorieux de ses armées. L'épreuve qui précipita le porte-lumière, Lucifer, privé de son titre et nommé désormais l'ennemi, Satan, au plus profond du désespoir et de la haine, fournit au contraire à Michel inconnu la gloire incomparable de son nom et mit à son front, élevé au-dessus de toutes les puissances, l'auréole de la très héroïque fidélité. Les poètes ont chanté ce qu'ils ont voulu, mais quiconque a l'audace de tourner, de forcer son regard selon les rigueurs de la foi jusqu'à l'énigme de ces chocs, non seulement indicibles, mais surtout inimaginables, doit dépouiller tout, hormis le respect. Je ne dirai donc rien ici qui n'ait été dit par l'Église même ou par ses saints. Les desseins du Très-Haut ne peuvent qu'être éternels. C'est de toute éternité que Dieu voulut donner au monde son Fils unique, revêtu de l'humanité. Vrai homme, sans cesser d'être vrai Dieu, réunissant en lui le principe même des choses et la dernière des choses créées. La félicité surnaturelle, c'est-à-dire la jouissance de Dieu, offerte aux anges et aux hommes comme leur fin dernière, mais que les anges et les hommes, pareillement libres, devaient conquérir dans l'épreuve, dans le choix fait librement entre le bien et le mal, ne pouvait être conquise que par les mérites du Verbe incarné, Seigneur des anges et des hommes. Or, ce grand, ce miséricordieux mystère fut manifesté d'abord dans le ciel comme la pierre de touche de la destinée des anges. Ils préconnurent l'homme-dieu, et comme à ce dieu capable de souffrir et de mourir, il fallait une mère mortelle, ils préconnurent aussi la mère de Dieu, cette Vierge, dont tous les peuples de la terre ont dans leurs annales la tradition prophétique qui ressemble à une mémoire de l'avenir. D'après les saints-pères et les théologiens, il y eut donc pour les esprits célestes cette double vision proposée. Le Verbe fait chair qu'il fallait adorer, la Vierge Mère que l'on devait honorer pour reine, c'était l'épreuve. Un tel mystère dépassait sans doute l'intelligence même des anges, puisqu'une rébellion éclata parmi eux et que plusieurs refusèrent l'obéissance. C'est ici surtout qu'on ne peut avancer d'un pas sans avoir la Sainte Écriture à la main comme un flambeau, non pour décrire assurément, mais pour augurer la lutte énorme qui troubla les régions supérieures. Il était un esprit parmi ceux que Dieu avait tirés du néant, un esprit qui dominait le peuple éblouissant des anges par la supériorité de ses rayons. L'amour du Créateur l'avait comblé de tous les dons. Son nom même était un diadème de clarté, nous l'avons prononcé déjà, Lucifer, celui qui porte la lumière. Dès là-bas, contemplant sa propre force, il s'était plu en lui-même, où l'orgueil avait grandi, étouffant la reconnaissance, et le crime était déjà au seuil de son cœur quand il pensait, selon Isaïe, « Je m'élèverai dans le ciel, sur les astres de Dieu, j'établirai ma demeure, je m'assoirai sur le mont du Testament, au flanc de l'Aquilon. Je monterai sur les nuées réunies en montagne, je serai semblable au Très-Haut. » Ainsi, lorsque le mystère de l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge, mère d'un Dieu, fut révélé à cet esprit superbe, il se jugea rabaissé comme insulté. Il vit un double obstacle élevé entre lui et les espérances de suprématie dont le rêve de ses ambitions se berçait. Il se révolta, et il était si fort qu'il put entraîner dans ses rébellions, au dire de Jean l'Évangéliste, la troisième partie des anges. Tertium partem stellarum caoli. Il s'écria, et ceux qui l'égaraient s'écrièrent après lui en un cœur formidable, non serviam, je ne servirai pas, je n'obéirai pas au fils de la femme qui est au-dessous de moi, et je n'obéirai pas surtout à la femme. Après tant de siècles, nous entendons encore cette clameur protestante arrachée à l'orgueil de Satan par le talon de l'Immaculée qui écrase incessamment son front foudroyé. Qui combattra cependant à cette heure où la Vierge n'était pas et où Dieu ne voulait pas combattre? Ce sera la gloire éternelle de l'ange encore innommé qui sortit ce jour-là du rang des esprits hésitants entre le bien et le mal pour opposer à la négation de l'orgueil le défi de l'humilité fidèle et invincible. « Je n'obéirai pas », avait dit la révolte. « Qui est comme Dieu ?» s'écria l'obéissance. Quid ut Deus, écrasante question, si personne n'a jamais pu prendre pour une question cette grande parole qui est bien plutôt affirmation certaine, répondant avec un à-propos incomparable à l'aveuglement de l'esprit infidèle, qui avait dit dès l'abord dans son orgueil « Simili sero altissimo, je serai semblable au Très-Haut ». Qui est semblable à Dieu? Quis ut Deus? Michael? Dans la langue où le livre sacré fut écrit, le mot fit le nom du vainqueur après avoir fait la victoire. Car il y eut victoire et par conséquent combat. Cela est dit, combat que nul effort de la pensée humaine ne peut se représenter, puisque les mille myriades de soldats engagés dans cette mêlée étaient de purs esprits, dégagés de toute matière, des colères qui s'entrechoquaient, n'ayant pour bras, pour glaives ou pour lances que le puissant effort de leur volonté qui venait de choisir entre la louange divine et le blasphème infernal. Mais ce choc ébranla les cieux et fit trembler l'infini. Quis ut Deus? Le silence de l'apôtre saint Jean parle avec énergie, mais il ne parle que du lendemain, exprimant par ces seuls mots le sort des anges précipités. Leur place ne fut pas retrouvée dans le ciel. Milton, par un artifice de poète, mesure la profondeur du désastre des vaincus à la durée qu'ils prêtent à leur chute et dit « Ils mirent 9 jours à tomber ». Le chaos désordonné rugit et vit décupler son désordre par leur chute à travers sa sauvage anarchie, tant cette vaste déroute l'encombra de ruines. L'enfer béant les reçut tous enfin et se referma sur eux. L'enfer, leur vraie demeure, la guerre qui dure encore et qui durera autant que le monde entre la charité et l'orgueil, entre la lumière et les ténèbres, venait de livrer sa première bataille dans le ciel. 3. Michel avait conquis son nom. Dieu le désigna par son cri même, Michael, et telle fut la première récompense de celui qui s'était levé pour défendre l'honneur de Dieu en Jésus et en Marie, contre l'hérésie déjà née, au moins figurément, au sein de l'Église déjà vendue et trahie avant que notre monde fût sorti du chaos. Et la récompense était riche, car Michel est un nom de gloire, contenant en soi la vertu divine. Ce nom est étendard. Il a vu se ranger, sous son ombre, au long des siècles, sur la terre comme jadis dans le ciel, tous ceux qui ont combattu le juste et fidèle combat. Nous le montrerons. Ce nom est crié corps. Il serre les rangs, élève les cœurs, appelle l'aide d'en haut et fait remporter la victoire. Il est glaive, il éclate, il éclaire. Il foudroie les esclaves du mal. Il est bouclier et protection contre toutes les embûches de nos ennemis visibles et invisibles. Il est miracle, et c'est le nom le plus puissant après ceux de notre Seigneur Jésus et de Notre-Dame, la Vierge Marie, sa très sainte mère. Mais Michel eut d'autres faveurs encore que son nom. Il en fut, il en reste comblé. Dès l'instant où Michel eut jeté son cri victorieux, il fut constitué le prince des armées angéliques. Nous en avons pour garant l'Église catholique elle-même. Dans l'office qu'elle célèbre en l'honneur de Saint-Michel, le 29 septembre, l'Église l'appelle en effet clairement « Princeps Glorissime ». Ailleurs, elle lui donne le titre de « Princeps Militae Calesteis ». Ailleurs encore, elle l'appelle « Propositus Paradisi ». Enfin, mettant dans la bouche même du Seigneur l'éloge de son champion dévoué, elle s'écrie « Archangele Michael, constitui te principem, Michel Archange, je te fais prince ». Or, au-dessous du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au-dessous encore de la Reine des Anges, qui prime toute créature, à quelle hauteur ne doit pas s'élever dans le ciel celui que l'Église reconnaît pour prince de la milice céleste et pour prévôt du paradis ? C'est lui à qui Saint Gélase prête les fonctions de souverain ministre du trône de la très sainte Trinité. Pour chanter le redoutable trisagion Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, les autres esprits se voilent la face de leurs ailes. Michel chante sans frayeur et de tout près. Il commande sous le commandement de Dieu. 4. Se passa-t-il des années, des jours ou seulement des minutes entre la première victoire de Michel sur Satan, prologue de la création, et la création même exposée dans l'authenticité sublime de ce livre, auprès duquel tous les autres livres, histoires et poèmes ne sont rien, et qui raconte, sous l'inspiration du Créateur même, la semaine d'enfantement d'où naquit le monde? Il importe peu. Dans le ciel habité, l'Hosanna avait été entonné pour ne plus se taire jamais. Milton balbutie quelques mots du chaos et de l'enfer, mais Moïse dit « Il y avait les ténèbres au-dessus de la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. » La matière avait donc surgi du néant dans la nuit. Tout à coup, cette nuit frémit, et ces océans qu'elle voilait tressaillirent parce que la lumière fut, obéissant à la volonté créatrice qui avait dit « Que la lumière soit ». Bientôt, à un autre commandement, les sphères prenant élan toutes à la fois, pondérèrent à travers l'espace le bilan merveilleux de leurs attractions, et le magnifique ouvrier du ciel et de la terre, ayant peuplé de vie végétale et animale les champs, les fleuves, la mer et l'air, qui avait déjà le bienfait du jour, voulut un roi pour ce royaume. Qui devait être ce roi ? L'homme. L'être si petit, mais si grand, qui partageait les esprits du ciel en deux camps avant de naître, et qui, du fond de son néant, avait fait la gloire de Michel en même temps que la chute de Satan, puisque c'était lui, l'homme, ou du moins son prototype divin, que l'épreuve avait proposé à l'adoration des anges. Dieu dit « Faisons l'homme ». Et Adam dormit dans les fleurs, beau de sa ressemblance avec Dieu qu'il avait voulu à son image. Mais à cette heure lumineuse et si belle, où l'homme et la compagne de l'homme sont animés dans un sourire, des voix se font entendre, criant ce cri lamentable aux quatre coins du ciel. Malheur à la terre et à la mer, parce que Satan fond sur vous, ayant une colère grande. C'est la lutte sans fin, dont l'âme de l'homme est le prix, qui va se poursuivre entre Michel, protecteur, et Satan, ennemi. En effet, l'ange tombé, dont le plus dur supplice est le souvenir de sa gloire, rongé de haine contre l'homme qui causa sa chute et que Dieu aime, sachant d'ailleurs que le Christ doit appartenir, selon la chair, à la postérité d'Adam, entoure Adam dès la première heure et prépare le premier, le plus funeste des innombrables pièges qu'il ne se lassera jamais de tendre au fils d'Adam jusqu'à la fin des siècles. Il choisit la figure du serpent, créature ondoyante, humble, gracieuse à la vue, douce au toucher et en apparence désarmée pour pénétrer dans le paradis terrestre. Et ce n'est pas à l'homme même que le tortueux hypocrite va s'adresser. Il est entré dans la maison par une fissure, il se glissera jusque dans le cœur par la porte entr'ouverte de l'inexpérience et de la faiblesse. D'une marche oblique, comme quelqu'un qui craint d'être importun, il se garde d'approcher directement. Ève, occupée, entendit le bruit des feuilles frôlées, mais elle ne s'en inquiéta pas, habituée qu'elle était à voir toutes sortes d'animaux se jouer ainsi en sa présence. On connaît trop le résultat douloureux du piège tendu. La femme d'abord, puis l'homme par la femme, profond enseignement qui raconte l'histoire de l'humanité, cédant au même entraînement que les anges malheureux, avec cette différence que le péché leur est inoculé par l'ennemi, font naufrage dans la convoitise et l'orgueil. Le sort du genre humain est joué et perdu. Ève, coupable d'avoir enfreint la loi de facile obéissance, mais aussitôt vengée, entend proclamer la victoire future de l'autre femme, la seconde Ève, Marie, prédestinée à broyer la tête du serpent pendant que le serpent tendra des embûches à ses pieds. Tel fut le rôle de Satan dans la faute qui amena pour nos premiers parents la perte du paradis de la terre. Nous chercherons ailleurs et plus haut que dans Milton le rôle de Michel, ministre de justice et de miséricorde, qui châtia sévèrement mais qui montra dans l'avenir ce troc précieux, au moyen duquel les joies de l'Éden peuvent être remplacées, grâce à l'infinie bonté de Dieu, par la félicité du ciel même. C'est saint Augustin qui enseigne « L'essence de Dieu ne peut jamais par elle-même être visible. En conséquence, il est manifeste que les visions divines qui furent le partage de nos pères étaient le fait de la créature par le ministère des anges. » La plupart des anciens pères, à peu près tous les théologiens scolastiques et mystiques, partagent l'opinion du grand évêque d'Hippone. C'est donc lui, Michel, déclaré patron du genre humain en récompense de sa fidélité envers l'homme-Dieu, que notre premier père entendit sous les ombrages du paradis terrestre, interrogé, jugé, condamné, celui qu'on ne pouvait absoudre, et le mettre plus haut après le pardon qu'il n'eût monté jamais avant sa chute. Notre introduction, résumée rapide, ne peut entrer dans le détail des nombreuses apparitions de l'archange avant la venue du Christ. Nous sommes obligés de borner nos citations au texte où le docte abbé des bénédictins de Senone affirme, en termes si clairs, la prépondérance du ministère de l'archange. Don Calmet, qui certes avait fouillé les richesses de la Bible aussi profondément que Pazin, pose comme principe en ses commentaires de l'Écriture que chaque vision célèbre d'un ange de l'Ancien Testament doit être attribuée à saint Michel. 5. C'est ainsi qu'il accomplit sa fonction de patron des hommes en général, et en particulier du premier peuple choisi de Dieu. Notre livre, qui va être l'histoire d'un second peuple d'élection, montrera Michel, après les siècles, toujours à la même œuvre et sur sa montagne française. Nous avons grande hâte d'aborder à ces nouveaux rivages, mais le temps n'est pas venu et nous sommes encore avec les Hébreux. Pendant plusieurs générations, les fils d'Israël avaient souffert la captivité en Égypte. Un miracle les délivra et ils traversèrent la mer Rouge par une voie miraculeusement ouverte. Et après avoir erré 50 jours dans le désert de miracle en miracle, ils arrivèrent au pied du Sinaï sous la conduite de Moïse. Là, ce plus grand des hommes, puisque Jésus était encore à naître, fut admis à converser avec Dieu. Quand il redescendit, il avait dans ses bras les tables de pierre qui portaient la loi de Jéhovah. C'était assurément le plus haut sommet de gloire où put aspirer une créature mortelle. Aussi, quand mourut Moïse, Satan conçut l'espérance d'égarer la religion du seul peuple alors fidèle au Seigneur et voulut dérober la dépouille du libérateur, du législateur d'Israël, mais au chevet du mort, une sentinelle veillait. L'archange. L'archange, pour combattre Satan, ne fit usage ni du glaive, ni même d'aucun commandement émané de sa volonté propre, il prononça seulement trois mots qui rappellent le grand cri de la bataille céleste et dit « Que le Seigneur t'ordonne ». Et la bête sacrilège fut replongée dans l'abîme pendant que les bons anges donnaient au corps saint une sépulture ignorée des esprits mauvais et des hommes. Le second fait a trait aux Maccabées. Depuis des siècles, le prophète avait dit « En ces temps-là se lèvera Michel, le grand prince, défenseur des fils de son peuple ». La prophétie s'accomplit à la lettre. On voit deux Michel au livre des Maccabées, soutenant le petit nombre des héros contre la lâche cohue d'esclaves qui obéissaient à l'oppresseur. C'est d'abord l'apparition des cinq guerriers célestes qui couvrirent Judas Maccabée au plus terrible de la mêlée et mirent en fuite l'ennemi aveuglé de confusion et de terreur. C'est ensuite au moment où Judas, risquant son effort suprême, marchait sur Jérusalem après avoir imploré le Seigneur avec larmes et gémissements. C'est ce cavalier vêtu de blanc, avec des armes d'or et brandissant sa lance, qui alla devant eux, instrument et présage du triomphe. Celui-là était Michel, que saint Gabriel lui-même désigne aux Hébreux comme leur prince, et qui accourait au secours de son peuple pour disperser la monstrueuse armée de Lysias, chasser les démons de la ville sainte et donner la paix à Israël pendant plus d'un siècle et demi, jusqu'à l'heure bénie où le Verbe de Dieu s'incarnera dans le sein de l'Immaculée. 8. Le Seigneur Jésus naquit, accomplissant la totalité des prophéties. Les Juifs, anciens peuples de Dieu, accomplirent leur part des prophéties en repoussant le Seigneur Jésus. La synagogue dit alors comme l'ange rebelle « Non servuiam » et saint Michel, esprit de fidélité, précipitant la synagogue comme il avait fait du mauvais ange, étendit ses ailes au-devant de l'Église, engendrée avec Jésus dans l'éternité, et qui naissait avec Jésus sous sa forme actuelle et immortelle pour être l'épouse de Jésus. Tous les pères, tous les écrivains catholiques sont d'accord pour donner à saint Michel le rôle de chevalier de l'Église et plusieurs même lui attribuent les actions où se trouve mêlé un ange dans la vie de l'homme-Dieu, tel que l'appel aux bergers qui crurent et dirent « Venite, adoremus », l'inspiration et la conduite des mages, la protection à la sainte famille dans sa fuite en Égypte, la destruction des idoles mystérieuses d'Isis, les soins pieux prodigués au Sauveur après le jeûne de 40 jours dans le désert, le réconfort apporté à l'hostie dont l'auguste et poignante langueur subit au jardin des Oliviers, le renversement de la pierre qui fermait le sépulcre, etc. Un seul fait évangélique s'accomplit en dehors de lui, le plus grand de tous, il est vrai, l'annonce du mystère de l'incarnation est portée à la toujours Vierge qui va être mère par saint Gabriel, expressément nommé dans les évangiles. On s'est demandé pourquoi cela, question téméraire peut-être, à laquelle le savant bénédictin Stangelius a néanmoins essayé de répondre, disant « Comme sur la terre, entre les hommes qui furent, sont et seront, le Seigneur Christ et la Bienheureuse Vierge tiennent les premières places, lui beaucoup au-dessus d'elle, à lui est envoyé le plus grand, Omnino Maximus, des messagers célestes, à elle, le plus grand de tous les autres, inférieur au seul Michel. Quoi qu'il en soit, c'est principalement après la résurrection et l'ascension de notre Seigneur que le rôle de saint Michel éclate. Selon les commentateurs de l'Écriture, Pierre emprisonné fut délivré par lui. Il ne faut point hésiter, dit Bossuet, à reconnaître saint Michel pour défenseur de l'Église, comme il l'était dans l'ancien peuple. Un des plus vieux monuments du christianisme, le Pasteur, écrit par saint Hermas, disciple de saint Paul, au premier siècle de notre ère, renferme le récit de la vision suivante. Le Pasteur montra à Hermas un arbre qui couvrait les plaines et les montagnes, et les élus du Seigneur venaient se ranger sous son ombre pour recevoir chacun des mains d'un ange un rameau qu'ils emportaient. Malgré le nombre des branches ainsi coupées, l'arbre restait touffu, entier et vigoureux. Après un temps, le même ange redemanda les rameaux à ceux qui les avaient reçus. Certains lui rendirent des pousses desséchées, d'autres des rameaux pleins de fleurs, quelques-uns des branches avec des fruits savoureux. La branche de plusieurs n'avait pas changé. Alors l'ange déposa des couronnes sur la tête de ceux qui rapportaient leurs rameaux couverts de fruits. Il revêtit d'un habit blanc les porteurs des branches fleuries ou simplement vertes encore, puis il les envoya dans une tour, figure de l'église, et s'éloigna, disant au pasteur, « Voici que je m'en vais. Mène donc ceux dont les branches sont desséchées dans ces murs où ils craignaient d'habiter, mais considère auparavant leurs rameaux et garde-toi que l'on ne te trompe. » Le pasteur obéit, il planta en terre les branches et les arrosa pour voir si elles vivraient. Embarrassé par cette vision, Hermas en demanda le sens. « Écoute, lui répondit le pasteur. L'arbre qui ombrage les montagnes et les plaines, c'est la loi de Dieu donnée à l'univers entier. Les peuples réunis sous son ombre sont ceux qui ont entendu la prédication de la loi et y ont cru. L'ange qui distribue les rameaux est Michel, lequel a puissance sur ce peuple et le gouverne. C'est lui qui grave la loi dans le cœur de ceux qui ont cru, qui les visite ensuite afin de voir s'ils l'ont gardée. Et qui reconnaît les fautes à l'inspection du rameau que chacun rapporte. En donnant sans presque l'abréger cette belle et curieuse vision qui instruit comme une parabole, nous remarquerons que depuis l'avènement du christianisme, les apparitions des deux autres grands archanges, Gabriel et Raphaël, ont presque entièrement cessé. Leur rôle s'efface devant celui de leur chef, dont la mission devient au contraire plus manifeste à mesure que la foi s'établit, combat, et se propage. 9. Voici venir Constantin. À travers les persécutions sans nombre, grâce au sang de ses martyrs, semences de chrétiens, l'Église nouvelle a pénétré jusqu'aux limites de l'Empire et même au-delà, ne laissant aux païens que leurs temples déserts. Cependant, les édits meurtriers restent suspendus sur la tête des disciples du Christ. Le monde hésite, Dieu a pour lui les peuples, mais César s'agenouille toujours devant les idoles. C'est l'heure décisive, le messager de grâce descend, apportant un miracle sur ses ailes. Maxence règne à Rome, le tyran vient d'être averti de l'approche de Constantin, qui marche contre lui. Aussitôt, il appelle ses devins pour augurer le sort de la lutte. De son côté, la mère du futur premier empereur chrétien, déjà chrétienne, tombe à genoux aux pieds de celui qui tient en main le sort des nations. Satan est muet pour César, et vis-à-vis d'Hélène, Dieu garde le silence. Mais à l'heure de midi, dans la pleine lumière, Constantin voit tout à coup, au milieu des airs, un étendard où brille cette promesse mystérieuse « In hoc signo vinces »« Par ce signe, tu vaincras ». C'était la croix, triomphe immortel. Et selon les historiens, un songe, expliquant la vision, ordonna à Constantin d'arborer à la tête de son armée un labarum semblable à celui qu'il avait vu dans le ciel. Constantin obéit. Devant la croix miraculeuse, les oiseaux de proie qui étaient les emblèmes de l'empire païen s'enfuirent à tire-d'aile. Et Maxence, vaincu, écrasant un pont du poids de sa déroute, fut précipité dans le Tibre. Le vainqueur reconnaissant couronna le trône où il s'assit du signe qui lui avait donné la victoire. Ainsi la croix vit Rome sous son pied et régna sur l'univers. Mais quelle main avait tenu le signe à l'heure de la promesse, éployée et comme suspendue dans la gloire du firmament? Constantin le savait bien, et son culte reconnaissant depuis ce moment jusqu'à la fin de sa vie entoura fidèlement son bienfaiteur céleste, l'ange. Porte-drapeau, comme l'Église titra toujours Michel, signifier Sanctus Michael. À peine arrivé à Byzance, le nouveau maître du monde fit construire sur chacune des rives du Bosphore un temple en l'honneur de l'archange. Plus tard, ses successeurs portèrent jusqu'à 16 le nombre des églises placées sous le vocable de Saint-Michel, soit à Constantinople, soit aux alentours. Sur les monnaies que Constantin et sa race firent frapper, on voit invariablement marquer l'image du saint patron de la famille impériale, tantôt la main étendue pour bénir, tantôt présentant le glaive, emblème du pouvoir souverain qu'il a transmis. La conversion de Constantin était un grand pas, mais ce n'était qu'un pas sur la route que le plan éternel traçait vers un but plus large encore et plus élevé. La prise de possession du monde romain, si étendu qu'il fût, ne suffisait pas au dessein de Dieu. Il fallait que l'ours Roma, selon la mystérieuse garantie de son anagramme, Amor, devint le centre de la religion universelle du Christ et le cœur de la vie catholique. Aussi, quand Saint-Michel va reparaître encore, ce ne sera plus, ni pour l'empereur, ni pour l'empire, nous le verrons sentinelle vigilante, prendre son poste à la porte de la Rome papale et garder l'Église désormais souveraine. Le mont Gargan, ou Santo Angelo, où allait avoir lieu l'apparition, qui eut un retentissement si puissant dans l'Europe d'alors, est situé dans la partie de la Pouille appelée aujourd'hui Capitanate. Il entre dans l'Adriatique sous forme d'un promontoire très accusé, excroissance rocheuse de l'Apennin. Les anciens documents sont d'accord pour raconter ainsi le fait miraculeux. Un homme riche de Sipont avait un grand troupeau qui passait sur les flancs du promontoire d'Apulie. Le taureau du troupeau s'écarta une fois et monta jusqu'au sommet du mont où est à présent le sanctuaire. Le soir venu, il ne rentra pas à l'étable et le maître, ayant fait le dénombrement de son troupeau, prit la campagne avec ses serviteurs pour se mettre en quête de la bête égarée qui fut découverte au point culminant du cap où elle se tenait immobile à l'entrée d'une caverne. L'homme riche de Sipont n'était point semblable au bon pasteur, car, ayant appelé en vain son taureau, il entra en furieuse colère et banda l'arc qu'il tenait à la main. La flèche partit en sifflant, elle atteignit le but, mais au lieu de trouer le cuir de l'animal fugitif, elle rebondit et revint blesser la main qu'il avait décochée. Or, les pierres que lance la fronde peuvent être ainsi répercutées par l'objet frappé, mais une flèche à la pointe aiguë. Une chose si extraordinaire remplit d'étonnement et de crainte les serviteurs de l'homme riche. Le lendemain, chacun dit ce qu'il avait vu. Le bruit répandu dans tout le pays arriva jusqu'à l'évêque, qui ordonna un jeûne de 3 jours et des prières, comme cela se doit, quand un fait se produit qui semble être en dehors des lois de la nature, et la nuit après le 3e jour, l'évêque eut une vision. Le saint archange Michel lui apparut sur une table de pierre, environné de jour au milieu des ténèbres, lui dit son nom glorieux et se déclara l'auteur de ce qui était arrivé, ajoutant « Ce lieu a été choisi par moi, Michel, qui me tient nuit et jour en présence du Seigneur pour y être honoré, et de là garder avec vigilance la terre qui l'environne. » Le sommet du mont fut béni et consacré solennellement, et dès l'année suivante, les Sipontins élevèrent un oratoire auprès de la caverne que les pèlerins vinrent visiter de toutes parts pour remercier l'ange gardien de la terre et de l'Église. L'oratoire fut bientôt remplacé par une basilique où l'Orient et l'Occident affluèrent. Rome inscrivit la date de 8 mai au canon de sa liturgie, et les papes transformèrent le cirque de Flaminius en un temple sous l'invocation de Saint-Michel, reconnu dès lors publiquement défenseur et garde de l'Église, aussi bien que du chef visible de l'Église, selon le terme du docte abbé Rupert qui dit « Par Saint-Michel, le pontife romain qui a cure avant tous du salut des fidèles est gardé et défendu. » Telle fut dans sa simplicité l'apparition si connue du mont Gargan dont nous n'avons point cherché à grandir les détails. Le protecteur de l'Église y demanda son premier autel miraculeux aux côtés même de l'Église terriblement menacée. 10. Dans les choses de Dieu, l'apparence n'importe guère, il faut considérer le résultat. Il arrive à Jésus très souvent d'opposer le petit à l'énorme. Dès les premiers jours de sa vie mortelle commencée sur la paille, nous le voyons fuir en Égypte, et alors même qu'il se défend au moyen de miracles, il les mesure, il les épargne en quelque sorte, rendant à César et à la nature ce qui est à la nature et à César. Mais il arrive aussi que Jésus semble redoubler son effort précisément parce qu'il l'a ménagé au début. L'apparition du mont Gargan fut presque immédiatement suivie du grand fait surnaturel qui fonda le mont Saint-Michel en France. Pourquoi ces deux coups si voisins? Saint-Augustin, avant les éloquents écrivains de l'école historique qui est un des rares lustres de notre littérature d'aujourd'hui, avait montré la plaie des hommes chevelus, toisonnés comme des béliers, gagnant du mur de Trajan au rivage de la mer tyrrhénienne, pullulant, ravageant, incendiant, massacrant et laissant toute terre nue après leur désastreux passage. Rome même a été violée. L'Église qui seule a résisté jusqu'alors se sent trembler enfin sur sa base immortelle parce que l'incursion se fait conquête. Le flux barbare n'a plus de reflux. Les fauves se plaisent en Italie, en Ibérie, dans les Gaules, et à peine ont-ils planté leurs cabanes dans ces climats que le mensonge de l'arianisme enseigne à leur ignorance la haine du Dieu crucifié. On nous parle des dangers de l'époque actuelle, et quelques-uns se découragent en mesurant la profondeur des calamités que nous traversons. Ils disent que Dieu s'est retiré. Dieu ne se retire jamais. Qui oserait comparer nos misères aux effroyables convulsions de ces jours où Michel, traçant sa route comme un arc-en-ciel dans l'espace, arrondit son vol au-dessus des Alpes et bondit du promontoire italien au mont français? Que vos cœurs relevés se souviennent. Voyez votre passé pour ne point désespérer de votre avenir. Au moment le plus navrant de l'agonie de l'ancien monde, une nation barbare, la dernière venue, les Francs-Saliens, envahit l'invasion même et fraye son rude chemin à travers les autres barbaries pour s'implanter violemment dans la Gaule romaine. Cette nation est la seule parmi ses sœurs qui ait repoussé le perfide baiser de l'hérésie. Pourquoi ? Ah, parce qu'elle est prédestinée. Elle n'a pas ouvert ses tentes à Judas, à rien. Elle est ignorante et sanglante, mais elle n'a point méconnu la divinité de Jésus, ni blasphémé contre son Saint-Esprit. Au contraire, le chef de cette nation a versé des larmes au récit du sacrifice accompli sur le calvaire. Il aime le saint vieillard assis à Rome dans la chair de l'apôtre. Il est catholique d'instinct, ce cœur d'enfant sauvage, et il est français. Dieu voit cette nation, et la voilà soudain élue pour accomplir les faits de Dieu à travers les âges. Gesta Deia per Francos. Et l'ange de l'Église, quittant la forteresse bâtie sur les derrières de l'église, se porte en avant pour élever sa guérite de sentinelle céleste au milieu du peuple nouvellement choisi qui va être l'avant-garde de l'armée de Jésus-Christ. Ainsi commence la mission magnifique de la fille aînée de l'église. Ainsi s'explique la vision de l'évêque franc, saint Aubert, suivant de si près le miracle du promontoire italien, vision qui a illuminé 10 grands siècles, et dont le récit va ouvrir notre histoire des merveilles du Mont Saint-Michel.